Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs fidèles de RDB. Vous écoutez votre émission d'actualité musicale, ça s'appelle Zé Cactus, c'est parti pour une heure. Et vu qu'il y a plein de bons disques à passer qui sont sortis là ces dernières semaines, on va faire vraiment encore une spéciale actualité musicale. On commence tout de suite avec Moriarty, le morceau s'appelle Long Live the Devil, et ça vient juste de sortir. C'est leur nouvel album, ça s'appelle Epitaph, le nom de l'album, et le morceau c'était Long Live the Devil. Donc Moriarty, c'est un groupe français mais composé de membres qui ont tous des origines en fait du côté des États-Unis, mais pas seulement. Mais en tous les cas, on sent directement à l'accent que c'est quelqu'un qui maîtrise complètement l'anglais, voire l'américain. On est toujours du côté de la France avec Izia qui nous a habitués à un gros rock qui tâche avec deux albums en anglais et qui revient avec un album en français. L'album s'appelle La Vague et le titre, je vous fais écouter le titre éponyme. Il est C'était Izia sur RDB. Le morceau s'appelle La Vague, comme l'album. Et donc Izia, pour vous resituer, son nom complet, c'est Izia Higelin. Higelin, ça doit vous dire quelque chose, comme Jacques Higelin, donc son papa, ou Arthur Higelin, alias Arthur H, qui est en fait son demi-frère. Donc Izia, vous avez peut-être pu la voir aussi au cinéma, notamment dans un film qui s'appelle Samba, où elle joue un des quatre personnages principaux qu'on voit sur l'affiche. Voilà, donc un album en français, mais on garde un peu, à mon sens, cette énergie anglo-saxonne caractéristique d'Izia. Et donc à écouter, en tous les cas, à découvrir. Allez-y, foncez, donnez-moi des nouvelles sur la page Facebook de l'émission, par exemple. Zik Actu RDB. On continue avec une chanteuse d'origine marocaine qui vit en France depuis une vingtaine d'années et qui sort son troisième disque qui s'appelle Homeland. Et cette chanteuse, c'est Hindi Zara. Et le titre s'appelle Any Story. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows outside. Before you break any C'était Indizara, donc son nouvel album vient de sortir, ça s'appelle Homeland et je vous le recommande fortement. On continue avec un artiste qui nous vient de Vancouver et donc qui s'appelle Tobias Gesso Jr. et qui a longtemps essayé de percer à Los Angeles et qui n'y est pas arrivé, qui est rentré chez lui et finalement c'est là qu'il a posté une vidéo sur internet. C'était ce titre Just a Dream, un titre qu'on retrouve sur son nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Goon. On écoute Tobias Gesso Jr. Yesterday I had a baby. Now she is one day old and looks just like her old lady. And last night I had a bad dream that the world would end and would be forever ending. But hey, it's just a dream, it's just a dream. And if I had just one more day, here's all the things that I would say. Love I have anymore. Vous écoutiez Tobias Gesso Jr. pour son album qui s'appelle Goon, et donc le titre Just a Dream. On va rester du côté des Amériques avec Sofiane Stevens, qui sort un énième album, je ne les ai pas comptés, mais il en a déjà sorti un paquet. C'est vraiment un songwriter très pop, c'est très beau. L'album s'appelle Kerry and Lowell, c'est le nom de son père et de sa belle-mère, ou l'inverse, vous allez voir, c'est très très chouette. Le morceau s'appelle Should Have Known Better, c'est Sofiane Stevens. Don't back down, there is nothing left. The break. c'était Sofiane Stevens, un extrait de son 10e album, j'ai eu le temps de recompter, Carrie Ann Lowell. Et donc Carrie, c'est bien le nom de sa mère qui vient de décéder, et Lowell, le nom de son beau-père avec qui il a fondé un label de musique et sur lequel il sortait ses disques. Et donc c'est vraiment un album autobiographique, Libération, titre Sofiane Stevens, Cantique cathartique. Je trouve ça assez joli. Et vraiment, c'est joli et la musique est belle, vraiment très très belle. Moi j'adore ce disque et cet artiste. Et ce disque est vraiment plus accessible si vous devez commencer. Sofiane Stevens, commencez par là, par le dernier album. Et juste avant, je voudrais revenir un peu sur Tobias Jesso Jr. parce que là on a quand même deux grands artistes capables de faire des ballades magnifiques chez Tobias Jesso. Donc on entend vraiment le piano et l'héritage direct de John Lennon ou d'Elton John, enfin particulièrement John Lennon. Et voilà, ces deux artistes, je vous les recommande chaudement. On avait écouté aussi Patrick Watson dernièrement. Pour moi, c'est un peu la même veine. Il y avait peut-être un podcast qui devait s'appeler Le quart d'heure américain, où j'avais passé pas mal de morceaux dans ce genre-là. Si ça vous plaît, vous pouvez le retrouver en tapant tout simplement Zik Actu, donc Zik avec un K, sur Google, et vous aurez le plaisir de voir que c'est votre émission favorite qui sort en premier. On passe sur autre chose. On va faire un petit quart d'heure hip-hop américain. Ça changera un peu, j'en ai jamais trop passé, j'ai passé beaucoup de hip-hop français, mais là on va aller un peu plus du côté de l'Angleterre et des États-Unis. Alors on commence tout de suite par Young Father, un groupe anglais qui sort un album qui s'appelle White Men Are Black Men Too. C'est donc les hommes blancs sont aussi des hommes noirs. C'est hyper particulier comme production, vous allez voir, mais c'est un album qui a cartonné en Angleterre, et ils ont pour volonté de dépoussiérer le hip-hop. On écoute Rain or Shine. Thank you. c'est complètement fou, ça s'appelle Young Fathers, et vous avez vu, les prods sont quand même incroyables. On sent un hip-hop complètement décomplexé qui peut aller partout, et on est très loin donc du hip-hop, de la naissance du hip-hop. Le hip-hop, il a presque 30 ans maintenant, donc il commence à se renouveler, à partir un peu dans tous les sens, et c'est ça qui est bon. On revient un peu en France avec Chinese Man, un collectif de trip-hop et de hip-hop français, qui était basé du côté de Aix en Provence et qui est maintenant à Marseille, qui sort donc un album qui s'appelle Showbro. On écoute le premier titre avec A+, Pep Love, Nobody. C'est un collectif, c'est français. Chinese Man. Yo, it ain't testing my patience. If you question my greatness, fans will never debate this. Fuck your revelations. Brains change due to chemical agents. I'm brave, man, better than those who never would say shit. They pop and they lip off and they often will flip-flop. Kill them and resurrect them when they cough and get ripped off. Cats easily fall back, I can't call that. Immediately all whack, get your balls back. The world keeps spinning these 24 hours as the earth keeps moving by these 365s. There's more galaxies than the sand on the beach, and I think the universe wants me to see the lies. What I want more than anything is my trees legalized. Yeah, that's the way, at least a dab a day, Sunday to Saturday. Suckers be looking for notoriety, trying me, but they dying silently, trying to see how pious that I could be. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true, what about you? They said what they said, did what they did, but we gon' keep it raw with this true spit. Yo, no deal, all substance, no frills, dope deals, dope skills on mics and broke steel, no damage. So outlandish, deep rooted in the town where we compound soul and street music. Underground up, local to bi-coastal to global, off a load of dope quotables, colder than fly vocals, and the uncontrollable urge to expose the Pinocchios. They bullshit with clowns, this ain't my first rodeo. Polio carriers ain't got a leg to stand on. I'm slapping empty pockets like I'm practicing hand. On. First person quick scope and trying to get my camp on, but addressing the real in every letter I put my stamp on. Headphones blasting like a drummer in my brain, but Katniss got you thinking that my hunger is a game. So when I catch fire, why is they running from the flame? You bastards ass backwards, you going against the grain. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true, what about you? They said what they said, did what they did, but we gon' keep it raw with this true spit. Suckers be looking for notoriety, run dope skills on mics and broke steel. Okay. People be leaking and thinking they strong when they really weak, and I'm peeping them looking peaky while they tweaking. But then I begin speaking some of the things and my pen be leaking, even when it's drama to bring. The song that I'm singing is swinging, and I hope you get the meaning, even if it's a minor inconvenience. That's my word, say it and then display it. Action verb engraving in the pavement just to make it concrete, and to let them know that I'm hella indelible, living my life to the beat. I'm too nice to have to be nice, and before I knew that shit I paid a hell of a price. Everybody got an impurity called insecurity. Speak freely and you can cure the disease with ease. That's the common denominator that made a nominal figure greater and degraded the drama of a hater. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true, what about you? They said what they said, did what they did, but we gon' keep it raw with this true spit. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true, what about you? They said what they said, did what they did, but we gon' keep it raw with this true spit. I never listened to the drama that I danced to. Show respect to the style past. Won't land, English on, English on. Controlling these mics while he aiming his two. C'était Chinese Man. On va écouter un truc complètement fou. Ça s'appelle Taylor the Creator. On écoute, on en parle après. Excuse me, mister, but can you please turn down the lights? I don't really like all these cameras, man, and this shit just don't feel right. And I don't really wanna be rude to you, sir, but fuck you mean I can't wear my hat and her. And you got me fucked up, what you think I curb, nigga? I hope you little niggas is listening. The rock boys is in this bitch like an infant. The blind niggas used to make fun of my vision, and now I'm paying mortgage and they stuck with tuition. You're so special, could you ask if I was autistic? And now I'm making plates and you're just washing the dishes. So if you don't mind, get the fuck out my kitchen. Put your ego there so I can butt fuck your opinion. But in the meantime, brainwashing millions of minions. Leader of the new school, and you would never catch me in none of they fucking shindigs. I hope you fucking niggas angry, pissed and offended. In search of, get more for me, the Illmatic. That's when I realized me ain't cut from the same fabric. I made my own shit, cherry bomb, cause Grady hit sounded boring. I don't like to follow the rules. She said that I must, I don't have any armpits. She wanted to talk, who was in charge of this golf shit. I said, howdy do, how are you, I'm the sergeant. And who I are isn't really important. My heart is as dark as that window with carton. So hop in with your friends, gal, and I'll unpark it. And I'll do donuts until the fat one is car sick. It's Young T. To follow the rules, and that's just who I am. I hope you understand. And now I don't really think y'all cool, so give yourself a hand. No, give yourself a hand. You better pose for that camera. You better pose where you better pose. And this your life, nigga, I suppose. For the lights, for the camera, and the action. Your face is melting from the flash of the big old lies. Nigga, you asked for this life. C'était Tyler, The Creator. Ça finit un peu bizarre parce que toutes les pistes s'enchaînent en fait sur l'album. Et donc l'album s'appelle Cherry Bomb. Je vous avais dit, c'est un peu fou. Tyler, The Creator, donc c'est un artiste, il fait plein de choses en fait. C'est un artiste complet qui nous vient de Californie. Allez, je ressors Wikipédia pour vous dire tout ce qu'il fait. Donc c'est un rappeur, producteur de musique, acteur, designer, graphiste, réalisateur américain. Et tout ça en même temps, donc c'est lui qui fait tous les clips du groupe. Il fait aussi des séries aux États-Unis. Et les clips d'ailleurs, parlons-en, il faut absolument que vous tapiez Tyler, donc T-Y-L-E-R, The Creator, le créateur. Sur YouTube et que vous regardiez ces clips, c'est incroyable, c'est complètement fou. Et voilà, l'album aussi à écouter, ça s'appelle Cherry Bomb, donc un rappeur américain. On continue, je sais pas si la transition sera très heureuse finalement. Je trouve que c'est assez rock'n'roll ce morceau là de Tyler The Creator. Donc du coup, je sais pas, j'avais décidé d'enchaîner avec Muse. Alors la profondeur du rock, le côté sincère est peut-être pas le même. Alors, allez, on écoute et puis on décidera après si Muse est toujours un bon groupe de rock. On écoute donc Psycho, un extrait de leur prochain album à sortir. We'll be right back. C'était Muse sur RDB, votre émission c'est Zik Actu, on épluche l'actualité musicale et j'avoue j'ai un peu secoué la tête. Ça paraît quand même pas mal, c'est pas mal parti, c'est vrai que c'est agréable à écouter, c'est bien fait, on retrouve en effet, comme ils l'ont promis donc pour ce prochain album qui va sortir en juin, l'album s'appellera Drone, et ils ont promis un retour aux sources. Moi je suis un puriste de Muse dans le sens où j'avais adoré les deux premiers albums que je considère vraiment toujours comme des excellents albums de rock. Et après, à partir du troisième, on sentait qu'il y avait un truc qui allait partir en vrille. Le troisième s'appelait Black Calls and Revelations, si ma mémoire est bonne. Et après, en effet, ils sont partis dans le grand n'importe quoi. À mon goût, c'est un jugement purement personnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer. Et là, donc, ils promettent un retour aux sources pour retrouver leurs fans de la première heure, des premières heures. Et bon, on sent que bah, ils ont un savoir-faire, et c'est bien fait, hein, mais... Et voilà, ils nous promettent un album plus Eevee, moi je trouve ça encore un peu facile, et un album du coup beaucoup moins électronique. Si on écoute le deuxième titre qui est sorti, je sais pas trop si on retrouve vraiment les sources du groupe, j'ai un gros doute. Surtout que d'après ce que j'ai lu, c'est une repompe d'un morceau de Prince. Donc voilà, ils sont encore un peu à mon avis dans leur délire de pomper tout et n'importe quoi. Quand ils pompaient des grands compositeurs classiques, ça me plaisait bien. Là, franchement, je suis pas très chaud. Bref, on en reparlera en juin, le prochain album de Muse donc, qui s'appellera Drone et qui parlera de plein de choses étranges comme les thèmes, ce seront la Troisième Guerre mondiale, l'écologie profonde et l'écart empathique. Ainsi que la manipulation mentale, l'endoctrinement et les Illuminati. Vraiment un beau programme, ça promet pour juin. On continue avec un groupe français de rock qui s'appelle Bukowski. Le titre s'appelle The Smoky Room. C'est le premier titre de l'album qui s'appelle On The Rocks. Je trouve qu'il y a une sacrée ambiance et vous allez voir qu'on va encore monter dans les décibels. Et ça a beau être français, ça envoie du gros bousin, comme Muse ne sait pas forcément le faire. On écoute Bukowski. Tonight, under the lights, we run. Et ben voilà, ça réveille ça en fin de soirée. C'était Bukowski, donc un groupe parisien de power rock. À la base c'était un trio, maintenant ils sont en quatuor. On continue avec toujours de la musique assez énergique, on va redescendre un peu quand même parce que c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Et on écoute Courtney Barnett pour son nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Sometime I Sit, I Think, and Sometime I Just Sit. Pedestrian at Best, c'est le nom du morceau, Courtney Barnett. C'était Courtney Barnett, donc une Australienne, qui sort son premier album, qui s'appelle donc, je vous le traduis en français cette fois, « Des fois je m'assois et je pense, et des fois je m'assois juste ». C'est quand même, il va directement dans mon top 3 de noms d'albums préférés avec « Whatever people say, that's exactly what I'm not ». C'est-à-dire, peu importe ce que les gens pensent de moi, c'est exactement ce que je suis pas. Et donc, un très beau titre d'album et un bel album, évidemment, à écouter. Le titre s'appelait « Pedestrian at Best ». Si vous voulez retrouver trouver tous les titres que je passe, il faut absolument taper Zik Actu dans Google et vous retrouverez bah, le nom des artistes, des titres et du coup vous pourrez les retrouver plus facilement pour écouter les albums en entier parce que quand même écouter un album c'est quand même autre chose qu'écouter des playlists. Ça vaut le coup de se plonger pendant trois quarts d'heure sur un seul artiste. Je vous assure. On continue avec, on revient en France et cette fois je vais faire encore une fois une petite parenthèse à mon régime alimentaire musical si je peux me permettre et vous passer une artiste qui est fraîchement dans la télé-réalité, enfin la télé-réalité musicale télé-crochet. Elle s'appelle Anne Silla, elle vient de Valence, on en a déjà parlé notamment avec lors du ping-pong musical avec Linda. Donc Anne Silla vient de Valence et vous avez forcément vu une chanteuse qui chante super bien et qui a le crâne rasé, on peut pas la rater, sur TF1 les samedis soirs. Et donc voilà, la finale de The Voice, allez on va faire de la pub pour TF1, c'est qui on a bien besoin je pense. C'est le 25 avril, c'est samedi prochain et je vous conseille évidemment d'aller écouter et de soutenir Anne Silla. Voilà, c'est la seule qui sera arrivée à me faire regarder TF1. Mais nous, ici, on a mieux, plutôt que de vous passer des reprises, on vous passe les compositions de Anne Silla, notamment un single qu'elle a enregistré qui s'appelle You, et voilà, ça changera un petit peu de Florent Pagny, finalement. Anne Silla sur RDB, la radio des boutières. You are the question and the answer. You are the spring after the winter. And I need you to fill my days with all the words you say. And I need you to break the rules everybody made. You are the sunshine at my door. You are the gold I'm looking for. And I need you and I will never let you go away. Cause I need you. Don't you C'était Anne Silla avec le titre You, donc un single qu'elle a enregistré avant l'aventure The Voice. Et donc je vous rappelle, la finale de The Voice c'est samedi. Vous pouvez éventuellement envoyer un petit SMS à TF1 parce que pour leur faire gagner un peu d'argent, ils en ont bien besoin. Ou sinon, vous pouvez regarder le replay. Et finalement, de toute façon, on sait qu'elle va gagner parce que c'est la meilleure. Et par contre, le samedi soir, prendre votre petite voiture, peu importe où vous êtes, et venir jusqu'à Saint-Étienne pour voir l'incroyable dernier concert du groupe Blake. Oui, c'est mon groupe, je fais de l'autopromotion et je vous ai déjà passé un peu Blake, j'ai passé un seul titre, vous remarquerez que je n'abuse pas des bonnes choses. Et voilà, on fait notre dernier concert samedi soir à Saint-Étienne du côté de Ciel les Noctambules. C'est pas cher, il y a 14 musiciens, c'est pas cher, c'est seulement 2€ pour 14 musiciens et un apéro. Quand même, ça défie toute concurrence. Et voilà, ça ferait très plaisir de vous y voir. Saint-Étienne, c'est pas si loin, vous avez une bonne voiture, je suis sûr. J'espère vous y voir. En tous les cas, pour aujourd'hui, cette émission est terminé. On écoute. Je sais plus quoi dire en fin d'émission, c'est là où ça devient difficile. Donc je vais me taire et vous souhaiter une bonne fin de semaine et en espérant vous revoir dans 2 semaines pour défricher encore l'actualité musicale ou peut-être traiter un thème incroyable et encore mystérieux. À très bientôt, bonne fin de soirée, c'était Zikactu. Sont restés jusqu'à là avec nous, je vais vous faire une révélation incroyable ce soir. Le titre que vous entendez en fin et en début de podcast, c'est, ou d'émission, c'est selon, c'est aussi Blake en fait. Voilà, c'était encore un instant autopromotion, j'en abuserai plus jamais, c'est promis. Et maintenant, vous allez retourner sur la programmation officielle de RDB en écoutant Nars Barclay, Crazy.